avec la chance, j'ai coupé les ponts. Les ponts. Et j'aurais même sauté d'un pont pour me gaver. Quand j'y pense, j'aurais pété les plombs. Si la rue m'avait pas donné tout ce que j'avais. Hein, on veut que la chance sourie, mais elle ne rit qu'aux autres. Qui vivra verra peut-être des quimpris comme astronaute. On dit que la poisse ronge comme une gangrène à la beuge. Je remercie Dieu de causer en rime et non pas en meuge. D'avoir du beurre, rien à foutre comme mes hommes de l'ombre. Si je vois le soleil briller, c'est qu'il y a une chance de fuir la pénombre. Inonder les ondes sur les traces de Michael. De meubler de lingots d'or mon putain de cercueil. Ma vie un cercle, vicieux déconcertant. Où le vice a couché la vertu depuis 107 ans. En 7 ans j'ai perdu l'équivalent de 7 vies. J'ai besoin d'une grève de cœur pour finir celle-ci. De rêver cette nuit, désir utopique. C'est comme croire refaire le monde à travers forum et topique. Elle est passée par ici, peut-être passera-t-elle par là. À part ça, je vois mes gars toujours en reste là. Yeah. Quand la voix tire le maillot dans la surface. Sous pilon, chant même plus que je fais du surplace. Peu de chance ici que la chance nous surclasse. Qu'elle nous sourit. Comme la roue tourne, j'ai préféré faire du surplace. Ne pensant pas que la rue me ferait des coups de crasse. Un appel et qui sait, je te ferais peut-être une passe. C'est ce qu'elle m'a dit. Beaucoup la traquent comme les sacs bondés dans les convois. Un convoyeur averti ne vaut rien quand le calache aboie. Elle nous rend malade comme un pur bijou de Tahiti. Je cherche la parade, mais trop barbare et ma poésie. D'ici à Noa, ici, nos rêves sont précédés de ci. À travers les soucis, seule la weed nous fait planer ici. J'ai pas le génie de monsieur de Vinci. Espère juste m'éloigner des tours où les traîtres officient. J'ai licencié le mal mais je reste déterminé. Sachant que la vie n'a que des contrats à durée déterminée. Une chance de rapper sinon je crois que j'aurais dérapé. Sur un juge, un proc qui salit le nom de mon père au parquet. En clair c'est une chance de voir pousser les mioches. Quand la rue embauche, c'est synonyme de fin précoce. Elle est passée par ici, peut-être passera-t-elle par là. À part ça, je vois mes gars toujours en reste là. Quand la voix tire le maillot dans la surface. Puis on chante même plus que je fais du surplace. Peu de chance ici que la chance nous surclasse. Qu'elle nous sourit. Comme la roue tourne, j'ai préféré faire du surplace. Ne pensant pas que la rue me ferait des coups de crasse. Un appel et qui sait, je te ferais peut-être une passe. C'est ce qu'elle m'a dit. J'arpente les rues, tel les forains, car ma vie un cirque. Inspire la haine, expire en marrage par le biais d'un stick. Non pas chaotique, ma vie n'est que microclip, j'avoue. Mais ma clique n'a fait que ramener la crime chez nous. Donc vois les stars dans nos rats jusqu'au Bataclan. Nous traitant de secte avec le peur à juste en arrière-plan. Sous leur tolérance, le mépris, la France ne m'a pas donné ma chance. Je l'ai prise, courir dans la merde quand les bleus courent. Pour moi c'est voyage outre-mer, car mes rimes touchent les peu Saint-Hélène touchent. Le carlouge, à qui on a dit t'as si peu de chance de faire mouche. J'ai peur de demain donc je relis toutes mes pages d'hier. Car de mon présent je ne suis pas si fier. Elle passera par ici quand moi je squatterai par là. À part ça, je vois mes gars toujours en reste là. Quand la voix tire le maillot dans la surface. Sous pilon chant même plus que je fais du surplace. Peu de chance ici que la chance nous surclasse. Qu'elle nous sourit. Comme la roue tourne, j'ai préféré faire du surplace. Ne pensant pas que la rue me ferait des coups de crasse. Un appel et qui sait, je te ferais peut-être une passe. C'est ce qu'elle m'a dit. J'ai pris des coups et j'en ai cassé des coups. La vie n'est qu'un combat. Ici bas y'a trop de combats. Et j'ai fait des sous et tout ça m'a rendu fou. Car je n'étais qu'un soldat. DRY, qu'un free mafia.